Chapitre 4. La calanque. Patron Ruff m'aménageait une surprise. Pendant que nous irons par mer, Tardive, montée sur Arlatan avec Gantôme en croupe, portera par le sentier ordinaire, il en existe un, décidément, mes bagages jusqu'au Puget. Puis Tardive reviendra seule, me laissant Gantôme comme page pour une quinzaine. C'est l'époque où Patron Ruff éprouve le besoin d'aller pêcher du corail. Et Gantôme lui devient inutile. Patron Ruff, cependant, ne pardonne pas encore au Puget. Il profite que nous sommes seuls sur l'eau bleue pour recommencer sa diatribe. Mais n'osant pas attaquer de face, il y arrive par un détour. Il me raconte. Pourquoi diantre me raconte-t-il cela ? Que le coin de golfe où nous naviguons recouvre une ville disparue. On ne sait quand, au temps de la Louve de marbre. Lorsque la mer, comme aujourd'hui, est très unie, on aperçoit distinctement des murs de cirque, des colonnes. Tout un arle là-bas, à 10 brasses. Regardez plutôt. Je regarde et n'arrive guère à distinguer avec de gros oursins roulant sur leurs piquants et des poissons aux reflets de métal qui passent qu'un fond inégal, noir d'algues flottantes. Patron Ruff, plus heureux, découvre toutes sortes de choses. Il s'exalte, il parle de coupes d'argent, de dieux en bronze, autrefois ramenés dans le filet des pêcheurs, d'une jarre pareille à un bloc de rocher sous sa couche de coquillage, mais pleine de pièces d'or, qu'un enfant trouva roulées dans le sable au lendemain de tempête. Ah, si tout l'or caché, qui dort inutile, paraissait au jour. Et le vieux républicain, en qui revit l'âme des Gracques, le voilà pétrissant le monde à sa fantaisie, un monde où chacun est très riche, où les braves gens seraient heureux. Si pourtant, quelques jours, en jetant le gangui, il accrochait lui aussi un bout de trésor, on saurait s'en servir, tout comme un autre. Nous voyez-vous, moi en monsieur, Tardive en dame, et Gantôme avec des escarpins vernis. Attention, Patron Ruff se raille lui-même, et quand un Provençal se raille, il n'est jamais long à railler quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est aux gens du Puget mort qu'en a Patron Ruff. Ils possèdent aussi un trésor, et c'est ce qui les rend si fiers. Une chèvre en or qu'on rencontre la nuit broutant la mousse des montagnes. Jamais personne n'a pu la prendre, tant elle court vite, mais l'espoir fait vivre, quoi qu'il en graisse peu. Et si les mourecs, comme on les appelle, sont tous maigres, c'est que depuis longtemps, pécaïre, ils ne vivent guère que d'espoir. Patron Ruff, ayant cette fois tout dit, se mit à rire silencieusement, les dents serrées sur son tuyau de pipe. Il riait encore en débarquant au bas des falaises d'Aigues Sèches. Il s'arrêta seulement de rire pour notre déjeuner d'adieu préparé d'avance par Tardive et que nous augmentâmes de quelques douzaines d'arapèdes noblement moussus cueillis au couteau dans les roches.